Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey! Bienvenue tout le monde à ce 40e épisode, 43e épisode de Geekorama. On vient de dire, ok, c'est 43, ouais, c'est ok. Ouais, c'est ça, ouais, faut pas oublier, là, faut être taille. Eh hey, non, mais c'est pas, ça fait ben trop longtemps, là. Ouais. Écoute, surtout un duo comme ça. Ouais. Écoute, bienvenue, Dom, salut! Yeah, salut! Ça va bien? Très bien, toi? Ouais, c'est dans la confusion et dans le rire qu'on décolle cet épisode-là. Mon Dieu, je suis content d'être là, sérieusement. Pour juste vous remettre en contexte, ça doit faire, sincèrement, je pense, au-dessus de... Depuis le mois de mai, facile, même avant ça, de cette année 2017. En ce moment, on est le 1er octobre. Et il s'est passé bien des affaires dans ma vie. Écoute, je suis tellement content pour vrai d'être revenu à faire des podcasts. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Entre autres, je suis devenu papa. Congrats! Merci, puis ça prend beaucoup de mon temps. Ouais, c'est normal. Là, aujourd'hui, écoute, on prend le temps de le faire. Et pour cette, dans le fond, cette draft d'épisode-là, ce mois-ci, on fait un spécial Castlevania. Donc, on va couvrir le plus de Castlevania possible. Il va y avoir d'autres épisodes aussi par-delà de ça. Parce que Dom maintenant fait des projets, ben, des épisodes solo. Oui. Que d'ailleurs, j'adore. Ninja or Dice, je l'ai écouté 3 fois. J'ai vraiment adoré ça. Puis, c'est débile. J'imagine tellement ça dans un jeu indépendant. Cette soundtrack-là, c'est malade. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait d'ailleurs. Non, sérieusement. Ça devrait. Ouais. allez écouter ça, guys. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier. L'épisode 42, si je me trompe pas. 42. Je crois qu'il y en a d'autres qui est sorti après et que j'avais pas écouté. Ouais, je me sens que c'est ça. On va aller. C'est 40. Ah, c'est 40. Ok. Yeah. Bon. Fait que non, c'est ça, c'est très cool. Puis je veux dire, on a la chance de faire ça encore. Puis j'ai encore le thrill de le faire. Donc aujourd'hui, guys, on va parler d'un de mes jeux préférés. Il est dans mon top 5, facile, même quasiment dans mon top 3. Puis on parle évidemment de Castlevania Symphony of the Night. Yeah. Wow. Pour certains, c'est probablement le meilleur Castlevania jamais fait. Ben honnêtement, oui. Puis avec raison, parce que c'est un jeu qui a toujours été, qui aujourd'hui est dans les temps de la renommée, les gens l'acclament beaucoup. Puis avec raison, c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur, le graphisme est à couper le souffle, le gameplay est tight, il y a des secrets à débarrer, il y a des belles animations, il y a aussi plein de choses qui sont très drôles, comme le voice acting, on en a souvent beaucoup ri, c'est souvent sujet de moquerie. Ça fait partie du charme du jeu, c'est tellement cheesy, c'est hot au bout. C'est ça, exactement. Tu sais, so bad, it's good. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, on se souvient, entre autres, de « What is a man? A miserable little pile of secrets, but enough talk! How about you? » Pitch sa coupe de vin. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très cool, très iconique. C'est aussi un des jeux qui a marqué le virant de cette série-là, qui est sorti en 96 du style Metroidvania. Okay? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les styles Metroidvania, donc, ils ont emprunté un peu ce que Metroid faisait à l'époque, c'est-à-dire de faire du backtracking. Ouais. Donc, on collectait des items dans le jeu. Revenait sur ses pas. Exactement. Prenait des systèmes nouveaux, tu sais, puis aller dans certains endroits où tu ne fais pas aller avec des systèmes courants, si on peut dire. Il fallait que tu aies des nouveaux systèmes. Mais je trouve que ça se blendait parfaitement bien à l'univers, dans le sens que tu pouvais trouver un item à telle place. Puis revenir, puis ça faisait tout le temps en sorte que tu redécouvrais le jeu. Donc, t'avais plein de belles surprises comme ça. T'avais des familiers aussi, chose que je trouvais vraiment cool, que je vois pas souvent dans les jeux. Dans la série Castlevania, je pense que la dernière fois que j'ai vu un familier, c'est dans une des éditions 3D. Et je pense que c'est... oh my God, pas Dracula's Curse, là, mais... parce que Dracula's Curse, c'est le 3, là, mais c'est... t'sais, t'as la Man of Innocence, puis t'as l'autre dans le 3D. Qui est sorti au Xbox et au PS2. Puis là-dedans, il y avait des familiers. Puis ils ont poussé un peu plus la sauce. Curse of Darkness. Ouais, je pense que c'est Curse of Darkness. Ça se peut. Puis ils ont poussé un petit peu plus la sauce là-dedans, dans le sens que tes familiers pouvaient vraiment plus évoluer. Puis il y avait des niveaux aussi. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment bien fait. Puis vraiment très, très, très cool. Moi, ce jeu-là, je l'ai découvert en même temps que Castlevania 4 et Final Fantasy 6. Fait que c'est là que j'ai eu mon baptême de mes meilleurs jeux à vie. Puis j'ai tout de suite accroché sur la musique qui nous rappelle beaucoup les, tu sais, c'est très contemporain, c'était baroque, les claviers, la grosse guitare électrique. Fait que c'est très très très iconique, vraiment beaucoup. Puis moi, je l'adore, cette musique là ouais, c'est débile. Chaque track est tellement varié puis il se différencie tellement des autres là. C'est quand est-ce que tu l'as joué la première fois, toi, ce jeu là ben, ça fait pas si longtemps, je me rappelle, je pense que je l'avais déjà dit. C'est vous autres qui m'avez poussé un peu dans le derrière pour que je le fasse. Je l'avais acheté, il me semble, sur... Digital? Digital, sur ma PlayStation 3. Je tardais à le faire. Je faisais tout le temps d'autres jeux. Puis à un moment donné, vous m'avez dit « Caroline, fais-les. » Fait qu'à un moment donné, ben, je me suis... T'es mis là, je l'ai fait, puis j'étais bien content. Ah ouais, non, c'est ça. Oui, je m'en souviens, c'est vrai. Puis on avait parlé d'un épisode, je me trompe pas. Puis t'avais adoré ton expérience. Puis ouais. Le contraire m'aurait étonné, honnêtement, parce que... C'est un jeu qui est tellement... C'est pas mal mon genre. Oui, vraiment. Puis le style graphique, puis tout ça, si t'aimes les jeux 2D, c'est hot. T'sais. Puis ça me fait penser, dans le temps, quand il est sorti, le jeu a été une grosse controverse parce que on s'entend le PlayStation. Ça a sorti sur PS1, justement, en 96, puis publié puis développé par Konami. Puis Konami, ou même, pas juste Konami, mais je veux dire, les gens en général étaient très habitués d'être en 3D. On avait beaucoup de 3D. Tu sais, je pense à Spyro, je pense à... même Resident Evil, c'était des gros jeux qui étaient tous dans le 3D. Puis là, ils sortent un jeu en 2D. Fait que là, le monde, sincèrement, ça chialait. Parce que là, ils disaient, hey, nous autres, là, on était cœurés du 2D. On vient de sortir du Super Nintendo, puis la Mega Drive, du Genesis. Fait que nous autres, là, on veut du 3D. T'sais. Fait qu'il y a des sites qui avaient donné une mauvaise note à cause de ça. C'est fou quand tu y penses, parce que ce jeu-là est un freaking chef-d'œuvre de bout à bout là. Puis je trouve ça, tu sais, je comprends par exemple l'époque, la mentalité de l'époque, tu sais, eux autres ils voulaient du 3D, mais aujourd'hui c'est littéralement sacré comme un des meilleurs jeux. Je suis content que ce soit en 2D. Ben oui, mais j'imaginerais pas en 3D non. Castlevania Symphony of the Night, les décors puis tout ce qui a amené, toutes les petits clins d'œil, l'architecture du château au grand complet, le fait que tu peux jouer dans le fond le même château mais à l'envers, c'est wow. La twist de la fin, c'est cool. La twist de la fin, parce que ok, là tu refais les mêmes choses mais avec des monstres différents mais à l'envers, tu sais, avec des boss différents aussi, puis ben, des boss différents peut-être pas de la série parce qu'il y en a qui en reviennent, tu sais, on s'entend, les chauves-souris, les méduses, les vampires, c'est des choses qui sont très iconiques de la série, fait que ça revenait souvent. Mais pour le reste, wow, c'est un gros 10 sur 10, même 11 sur 10 dans ma palette à moi. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. On serait probablement prêt à vous parler du premier bloc, en fait. Je pense qu'on va y aller de tout ouais, de ben c'est un épisode quand même chargé. On a quand même 6 blocs à vous présenter aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonne musique. Sincèrement, ouais, c'est débile. Je veux dire, moi, quand je suis descendu tantôt, je l'écoutais dans ma voiture, sur mon téléphone, puis j'écoutais une tune, je me disais, ah ouais, ça c'est bon. Ah ouais, ça c'est encore mieux. Ah ouais, ça me fait penser à ça. Fait qu'il y a trop, le facteur nostalgique est à côté en ce moment. Il y a tellement de bonne musique que je voudrais vous parler. Mais je vais me calmer aujourd'hui parce que vous le savez pas, mais nous, on va enregistrer quand même plusieurs épisodes aujourd'hui. Fait que je vais pas m'emporter dans mes grosses discussions qui vont durer 2 heures parce que ça finira plus de finir. Puis surtout, je veux vous faire profiter de cette musique-là. Je veux que le October Month de Geekorama vous soit le plus profitable possible. Fait qu'on va y aller tout de go. Bloc 1. On a Prologue, on a Illusionary Dance et Dracula's Castle. Moi, là, je pense Dracula's Castle, là, c'est ma préférée. Ouais, toi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ma top, celle-là. Ouais. Quand tu rentres dans le château au début, là, parce que t'es super puissant, là, t'as cette tune-là qui embarque. Ah, là, ouais, c'est débile. Puis ça, je pense que t'es à Alucard à ce moment-là, si je me trompe pas. Hein. C'est quand tu rentres. Ouais, c'est quand t'es à Alucard, puis c'est Prologue que t'es Richter. T'es Richter. Puis, d'ailleurs, Prologue est débile. Oh, tu commences le jeu avec sa grosse toune métal, là. C'est débile. Un peu de Dracula. C'est carrément la scène de fin, si je me trompe pas, de Rondo of Blood, si je me trompe pas. Ouais, moi, la chronologie là-dessus, je suis zéro. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que le jeu est carrément une suite de Rondo of Blood, dans le fond. Fait que le début du jeu est la fin de Rondo of Blood. Donc, quand tu commences puis tu bats Dracula, en fait, ben c'est la fin du jeu. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est particulier, c'est... Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui ont fait ça, probablement, mais quand tu commences au début dans la prologue, il y a une twist, c'est que si tu le fais rapidement, tu vas avoir des meilleurs stats en commençant. Si tu fais pas toucher, t'as plus de HP. Ah, ça, je savais pas aussi. Si tu fais pas toucher pantoute, là, t'as plus de HP au début. Puis okay. Ils t'aident aussi. Dans le fond, ils vont te donner des stats supplémentaires comme plus de mana, des affaires de même, parce qu'ils voient que tu rushes un peu plus. T'sais. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui commencent une nouvelle game okay. ou whatever. Même moi, j'ai de la misère. Là, mais... C'est particulier quand même. À l'époque, là, ça a dû être long avant de se rendre compte de ça. Ah, vraiment, c'est... Là, parce que c'est... À moins que ça soit marqué dans un Player's Guide. Là, ouais. mais sinon, c'est cool. Comme... C'est très cool. Illusionary Dance, je pense qu'on parle de l'espèce de... C'est le combat contre Dracula. Ouais, de qui est très énergique. Là, donc, c'est assez frénétique. Ben, disons qu'Illusionary Dance, c'est pas mal le thème iconique de Dracula. Ouais. Pas mal les Castlevania. C'est ce tune là, mais dans les autres jeux, c'est beaucoup de variantes de ce tune là. Ouais, à part peut-être les Castlevania les en 2D, là, les, ouais. les classiques. Ouais, les classiques. 1, 2, 3, là, mais sinon, ça, c'est pas mal tout le temps ce thème-là pour Dracula. Lui qui était online, qu'on avait joué beaucoup. Ah oui, c'est. Harmony of. Despair. Harmony of Despair, je pense qu'il y avait une bonne version de cette tune là, mais. Version très, très, très métal. Ouais, vraiment. Ben, de toute façon, toute la soundtrack de jeu-là complet est vraiment freaking métal. Là, donc, kudos. Probablement qu'on va faire un épisode là-dessus, juste parce que c'est excellent. Mais encore là, on verra. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir donnée à la petite figurine de Shovel Knight. Je vais pas juste ça de même, puis je le regarde. All right. On va vous faire écouter ça, Don. Fais-nous donc un petit Donc, on a Prologue, Illusionary Dance, puis Dracula's Castle. Bonne écoute, les minets. Yeah. Thank you. Et c'est reparti pour le bloc numéro 2. All right! Donc, pour le bloc numéro 2, nous avons une panoplie de jolies chansons. Effectivement, Dance of Gold, Marple Gallery et... Tower of Evil Mist. J'adore Marple Gallery. Les trois sont fantastiques. Ça marque vraiment... Quand tu commences le jeu, tu te fais enlever ton stock par... Death. Ouais. Ah, Alucard! Ah, Alucard! I was looking at you while masturbating. Non, c'est pas vraiment ce que je... PG-18. Non, ouais. La mort t'enlève ton équipement. Puis ça m'a toujours frustré. Puis ça m'a toujours... On dirait qu'il voulait vraiment qu'on l'aïe, là, vraiment. La mort. Là. Puis effectivement, c'est bien réussi. Puis ça, c'est un classique quand t'as moins de plusieurs jeux qui ont fait ça. C'est comme tu commences, mettons, God of War, tu commences hyper boosté. Après ça, whoop, tu t'enlèves tout tes poids. Ouais, c'est vrai. On dirait que c'est comme... C'est devenu récurrent. Puis là-dedans, ben là, c'est encore plus vrai parce que t'as comme l'équipement d'Alucard, tu sais, qui porte ton propre nom. Donc t'as la cape, l'épée, tout ça. Puis là, tu te bugs des points, puis t'es vraiment plus faible. Là. Ouais, c'est comme, wow. Solide. Ça fait que ça feste en maudit. Par contre, c'est sûr que moi, au début, je le savais pas, mais tu peux t'aider. Alucard peut faire des ce que j'appelle des spells avec sa mana. Mais pour ça, il faut que tu fasses une combinaison de boutons sur ta manette qui fait en sorte que tu fais comme des boules de feu ou des téléportations ou du lifesteal. Mais. Faut vraiment. Moi au début je le savais pas, mais fallait que je gosse sur ma manette. Puis là je faisais n'importe quoi. Puis là maintenant il faisait il disparaissait, il réapparaissait, il levait sa cape, il y a trois boules de feu qui sortaient. J'étais comme comment j'ai fait ça? Puis quand t'allais dans les menus, tout ce que tu faisais une première fois, ben là il te disait comment faire. Fait que j'étais comme, c'est cool ça. C'est hot, ouais. D'ailleurs, parlant du menu, j'ai regardé justement Iga. IGA. Le célèbre directeur, un des co-directeurs en fait de Symphony of the Night. C'était très intéressant ce qu'il disait parce qu'il disait, moi le jeu là, je veux dire, vous voyez comment qu'il est. Donc c'est une architecture qui est très gothique, très dark. Puis quand on regarde le menu, espèce de menu bleu avec des textes, c'est laid là. Il dit, on n'avait pas eu le temps de le finir. Puis j'ai fait, ben voyons donc. Puis ouais, il disait ça, il disait, même affaire pour le château, quand l'animation du château qui pop au début. Dans une entrevue qu'il a faite avec les gars Double Fine, il disait on n'avait pas mis les textures du château. Puis Konami avait juste dit non, c'est tout, c'est fait. Puis là, tu sais, IGA, il a dit mais non, niaisez, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Non, c'est ça. Ok, correct. Konami being Konami. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps ça aussi. Dans les grosses compagnies, il y a un deadline tout le temps pour la production de jeu. Ça, ouais. C'est un fait. Puis ce que j'avais trouvé hot aussi dans le temps, puis ça l'a resté dans pas mal, même c'était comme ça avec Metroid, ils l'ont intégré avec Castlevania. T'as une espèce de map avec des espèces de petits carreaux bleus, mais ta map est bleue, puis au fur et à mesure que tu découvres la map, ça, t'es capable de voir ta map, donc tu peux faire du backtracking facilement avec ça. Chose qu'il n'y avait non seulement pas eu vraiment dans les Castlevania de passé, à moins qu'il y ait eu des 3D qui avaient sorti avant, mais je pense pas. Fait que ça donnait vraiment une autre... Tu sais, c'était un open world, entre parenthèses, sans vraiment être un open world. Donc, tu pouvais te promener puis quand même te retrouver facilement, tu sais. Donc, plein d'affaires nouvelles qui ont amené, plein d'affaires de trucs qui ont amené. Puis, les chansons que vous allez écouter marquent vraiment le début de l'exploration du château. Oui. Donc, fait que c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, Dance of Gold... Marble Gallery. Tower of Evil Mist. Yeah. Bon, écoute. Hey, on est de retour pour ce troisième bloc. Alors, cette fois-ci, on va regarder et écouter Wood Carving Partita. Après ça, Festival of Servants. Et Crystal Teardrops. Ouais. Ouais, hey, Festival de... En fait, on écoute Festival of Servants un peu avant. Il y a un boss, si je ne me trompe pas, qui est un clone de Alucard, qui est dans... Il me semble que c'est un des premiers boss qu'on entend. Je ne sais pas si c'est la toune là, qu'on écoute. Là, on dirait que la mémoire me fait défaut à ce moment-là. Mais ouais, donc ça c'est la toune boss, toune qui était très métal, on passe de baroque à... Ah ouais, on sort le drum, la guitare puis ça brasse là. J'adore cette toune là d'ailleurs, là. C'est ouais, malade. Je trouve que c'est selon moi c'est un des piliers là, de cette toune là, on l'entend très souvent. Ensuite. Moi j'aime bien Wood Carving Partita. Partita. Elle fait très château. Là. Je trouve qu'elle fit tellement dans l'univers de Castlevania. C'est débile. Ouais. C'est très baroque. Ouais. C'est cool au bout. J'aime vraiment ça. C'est un peu comme un clavecin, je pense. C'est ça l'instrument. Ouais, on va dire keyboard, mais oui, clavecin. Ouais, très baroque. Là, ouais, style. C'est ça. C'est très, très, j'adore ça. Je sais pas si c'est le contemporain le bon mot, mais ouais. Dans l'époque de cette. De lorsque c'est sorti, en tout cas de ça. Ouais. Bref. Mais c'était en 1792, l'année, ça, ouais, Transylvanie que ça a sorti, effectivement. Ouais. Et ensuite, on a Crystal Teardrops, ouais. Bon, qui fait très ambiance de grotte. Elle est plus smooth un petit peu, elle. Oui, très, très, très smooth. On passe un beau petit piano, une balade qui colle très bien à l'ambiance de la place. Donc, on a des grenouilles... Il y a des chutes d'eau, c'est très souterrain. Donc, ouais. On est dans le souterrain du château, effectivement. Puis moi, j'ai toujours trippé sur cet endroit-là parce que... Puis la plupart des monstres aussi, évidemment, fait beaucoup avec l'univers. On le sait, on est en train de regarder en ce moment. Ouais. Et aussi, ce que j'aime, c'est que la plupart des mobs là-dedans, des monstres, quand ils meurent, ils ont toute une façon unique de mourir pour la plupart. Il y en a que ça va être juste « Ah, oh, ils disparaissent », mais soit qu'ils vont... exploser avec un tas de feu ou, mettons, ils vont avoir un livre qu'ils vont voir, le livre vont les aspirer, des choses comme ça. Oups, non. Un playthrough qu'on vient de regarder, la fille est un petit peu morte. Ouais, puis le démon, il était content. Il rit de sa gueule. Ouais, puis le. Oh man, ça là, le game over scene de ça, là, de ce jeu-là, moi, m'a tellement marqué. C'est comme t'as une grosse voix, t'as l'espèce de chaton background, t'as un squelette du sort. Ben, il est creepy au bout. Puis en plus, marqué « Let's go out this evening with pleasure. The night is still young. » Puis ça dit « Game over. » C'est tellement creepy, là, en tout cas. Oui, vraiment. C'est pas autant que Sonic CD. Effectivement. Sonic CD, t'es... Oh, shit. C'est « Nightmares of Fueled ouais, », assuré. Effectivement. On va vous faire écouter ça, guys. On va faire un récapitulatif. Donc, « Wood Carving Partita ».« First Festival of Servants ». Et « Crystal Teardrops ». Bonne écoute. Boom. Thank you. Tabarnouche. Ouf, il fait une crise de cœur. Ouais, moitié. Non, tu sais. Le gars, il parle puis il fait une crise de cœur. Non, on est là pour le cinquième bloc, les amis. Alors, on commence par. Quatrième bloc. Oui, effectivement. Tabarnouche. Bloc 4. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était le bloc 5. Je sais pas. Il n'y a pas de problème. Ah, non, je sais. Alors, on y va avec Rainbow Cemetery. Hey, après ça, Requiem for the Gods. Et Lost Paintings. Lost Paintings a été longtemps ma tune préférée dans les Castlevania. On essaie de se souvenir tantôt, moi pis Dom, où ce qu'on avait trouvé, c'est où qu'on se trouve au moment de ces chansons-là. Et je pense qu'on n'est pas loin de la fin. C'est ce qu'on s'était dit. Château renversé, là où on était dans des espèces de grottes avec des cristals, des affaires-là. C'est pas mal dans ces places-là, si je me... Mais c'est pas évident de se resituer non plus là-dedans. Non, effectivement. Mais Lost Painting, c'est pas mal hands down une de mes tunes préférées. Elle dure 4 minutes, elle dure quand même assez long. Même long, oui. Mais c'est 4 minutes de pur délice là. C'est, on passe, il y a de la guitare, du piano. Non, c'est vraiment tout à l'honneur et tout à l'emblème carrément de ce que c'est Symphony of the Night. Moi, j'adore particulièrement Requiem for the Gods. Oui. Je la trouve tellement comme puissante, cette tune-là. Elle dégage quelque chose de vraiment cool. Là. Les chants grégoriens comme ça, moi, j'adore ça. Il y a des tunes comme ça qu'on peut pas décrire. Hein. Tu sais, une puissance, c'est quasiment surnaturel. Puis je veux dire, je pense que la compositrice principale de ce jeu-là a vraiment fait une job de débile. Oui. Aurait pu aller dans le plus facile, dans quelque chose de tu sais, pour rapper ça, tu sais, des loops qui finissent plus de finir. On s'entend qu'à Castlevania, ça a été très connu pour sa musique qui est très, très, très bonne, qu'on se souvient beaucoup. Mais je veux dire, il n'y avait pas d'orchestration, un peu comme on l'entend là. Il n'y avait rien de trop complexe. Ça y allait dans le 8-bit, puis bon, ben, OK. Tu sais, on répète la loupe. Là, c'est de l'orchestration. Il y a des violons, il y a des chants grégoriens là-dedans qui sont fantastiques, fabuleux. C'est très varié comme soundtrack. Ouais. Très, très, très varié. Je trouve que c'est... Ouais. C'est très avancé pour son temps. Puis il aurait pas dû. Il méritait pas les critiques qu'ils ont eues là, justement, parce que c'est un jeu en 2D. C'est un très, très, très bon jeu. Tellement. Mis à part l'histoire, puis le voice acting, là, comme on a dit au début. Mais ça fait partie de son charme. Le voice acting, quant à moi, là, ça fait partie du charme du jeu. C'est tellement drôle. C'est vraiment drôle. Comme t'as Maria qui rencontre Alucard, puis elle dit Alucard! On a dit un enfant de 10 ans qui est perdu d'une bibliothèque. Là, t'sais, Alucard! I'm interested in this. I'm interested in this. Well, better for now. Non. T'sais, plein de petits clins d'œil comme ça. T'sais, c'est ceux qui ont jamais joué à ça. Honnêtement, faites-vous plaisir. Puis donnez-y sa chance. Switch! Donnez-y sa chance pour toutes ces raisons-là. C'est vraiment un fucking bijou. Là, il est vraiment excellent. Fait qu'on va rapper ça? Bien sûr, Bibi. Bien sûr, Bibi. On a Rainbow Cemetery. On a ça, Requiem for the Gods. Et Lost Paintings. On écoute. Thank you. What can I do for you? I'm interested in this. I'm interested in this. I'm interested in this. Thank you. Hey, mon Dieu. Bloc 5, guys. This is it. Yeah. Oh, yeah. Donc, on a Dance of Pearls. Wandering Ghost. Et The Tragic Prince. Ouais. Deux de ces chansons-là sont dans mon top du jeu, sérieusement. Oh! Que oui! Oh! Deux! Mais Wandering Ghost, et on est dans le Colosseum. Ouais, cool. Hein. C'est vraiment sacrément une bonne chanson. Dans le Colosseum, ce que je trouve malade, c'est la façon que tu le découvres. Parce que, en fait, tu dois avoir deux équipements pour débarrer le Colosseum. Un ring, je me trompe pas, que ça, y a une phrase plus un autre. D'ailleurs, c'est drôle, on écoutait une vidéo, puis c'est direct le Colosseum. Ah ouais? Ben ouais, c'est direct ça. Wow. T'as des boss aussi là-dedans qui font référence à des anciens Castlevania. Donc, à un moment donné, t'arrives, ben justement, là, là où est-ce qu'on est rendu. Ça, c'est une library card. Puis c'est, si je me trompe pas, c'est Richter. Ouais. Ah, il va battre un... Ah, ben oui. Who are you? Puis, ouais, c'est ça. Fait que... ils ont tout coupé à la scène. Ouais, ils ont tout, c'est de valeur. Mais non, c'est ça, c'est toutes des bêtes qu'on retrouve dans les anciens Castlevania, surtout dans Bloodlines. Quand même assez difficile, là. Je pense qu'elle va crever. Là. Non, c'est même pas c'est IGA qui joue. Ah, c'est IGA qui joue. Ouais. Il est bien mauvais. Ah! Ah, mais le boss, il est épique, je me rappelais pas du Minotaur. Ouais, il est vraiment. Non, il est vraiment. Le Minotaur est vraiment solide pour vrai. Puis, à un moment donné, quand tu reviens, je pense, dans le château inversé, t'as les personnages de Castlevania 3. Et mon Dieu. Ouf, il avait 9 points de vie, puis il l'a eu. GG. Fait que c'est ça. Donc, t'as beaucoup de références aux anciens jeux là-dedans. Puis, c'est là qu'on voit Belmont pour la première fois dans le château. Fait que ça vient comme. Se demander pourquoi. Puis c'est là plus tard qu'on se rend compte que Richter est comme enchanté par le sorcier Shaft. C'est Shaft? Shaft! Je me souviens plus. Il me semble qu'il s'appelle Shaft. Ouais, il me semble qu'il y a son nom a toujours été très bizarre. Puis même, je le dis, puis je suis comme, c'est vraiment weird, comme fucking no one. Anyway. Mais le Colosseum, non, c'est vraiment Wandering Ghost, c'est une pièce assez classique du jeu. Ensuite, on avait quoi déjà? On a... Moi, j'adore. Elle aussi, mais Tragic Prince en particulier est vraiment badass. On arrive pas loin de Dracula, donc on doit monter des espèces de gros piliers. On a des têtes de squelettes qui volent. C'est vraiment une pièce qui est très, très, très longue. Évidemment, on ne fera pas tout écouter la chanson parce qu'elle est très, très longue. Mais de A à Z, le build-up de ça, la guitare qui sent au début, là, t'as un riff qui est très, très, très catchy. Oui. C'est excellent, là. C'est vraiment très, très, très, très la fun. En fait, la track est pas tant longue que ça, c'est juste que le loop, il revient tellement souvent. Ouais. Fait que je vois rien que la couper un peu, là, mais on c'est va ça. Tout entendre, là, ceci. Ouais, ça, ouais. C'est clair et net. On l'a, effectivement. Alors, c'est ce qui conclut le bloc 5, les amis. On a Dance of Pearls aussi, que j'ai pas beaucoup parlé, mais que je ah, et Sweet aussi. Le nom aussi, tu sais, on s'entend, là, c'est tout de suite. Donc, ouais. On va avoir Dance of Pearls. Wandering Ghost. Et The Tragic Prince. Yeah. Bon écoute, guys. Donc, le dernier bloc de notre saga, la saga de Symphony of the Night, c'est le bloc 6. Alors, on y retrouve, cette fois-ci, on y retrouve 4 chansons. Donc, Doorway to Heaven, Death Ballad, Strange Bloodlines et Final Toccata. J'aime le nom de Strange Bloodlines. On dirait que ça fait... Je sais pas s'il était sorti dans ce temps-là. Ça fait référence à Castlevania Bloodlines... qui est sorti au Genesis. Peut-être je dis ça de même, mais ça me fait penser à ça. Qui sait? On a une très belle finale, sérieusement, là, au niveau des chansons. J'aime beaucoup, beaucoup Final Toccata. Pourquoi? Parce que, on dirait... Bon, moi, quand je jouais à ce jeu-là, je farmais souvent. Parce que, mettons, tu bats des mobs, ça drop des items, des choses-là. Puis il y avait, dans le temps que j'ai connu ce jeu-là, j'ai des amis qui, lui, avaient fait le jeu à 100%. Donc, pour faire le jeu à 100%, tu dois avoir tous les objets rares que les monstres vont dropper lorsque tu es ici. Shit. Et ça peut être extrêmement long. Tu dois être équipé, évidemment, de potions de luck, d'avoir des items qui vont augmenter ta chance beaucoup. Ce qui fait que ça peut être extrêmement long. Donc, on s'entend qu'un jeu comme ça, où ce que tu vas farmer des items, faut que tu aies une musique qui soit pas gossante puis répétitive. T'sais. Je me rappelle l'avoir entendu souvent. Ouais, puis moi je l'ai entendu vraiment vraiment souvent en loop, mais c'était pas quelque chose qui nous dérangeait, moi puis mon ami, on écoutait ça, puis c'était comme, c'était le fun, tu sais, fait que moi ça me fait beaucoup beaucoup penser à ça. Mais ce que je voulais dire, ouais, entre autres, moi je me rappelle, je pense l'épée la plus overpowered, c'était pas Chrysagrim. Ouais, c'est Chrysagrim. L'espèce d'épée, ce que tu donnes tellement des titres. Tu donnes tellement des coups rapidement, là, tu fais juste pitonner sur le piton. Ah ouais, tu peux juste bâcher le carré non-stop, puis ça fait... Ah, ça n'a aucun sens, à quel point c'est trop... Ça gâche carrément quasiment. Ben écoute, quand t'es level 99, là, quelqu'un qui se maximise au fond, là, Dracula, là, il dure... Ça, je pense qu'il dure même pas 4 minutes, puis il est mort. Fait, tu fais juste bâcher, là. C'est fini, là. 4 minutes, t'es généreux, hein, tabarnouche. Ben, ouais. Sérieusement, c'est vraiment pas long, là. C'est une question de seconde. Sérieusement, là, c'est vraiment l'épée la plus overpowered. Quand je fais des Game Master de Symphony of the Night, j'essaie de plus apprendre. Ben, moi, là. Parce que c'est trop fort. Fun fact, là, c'était Christy d'épée-là. Je me rappelais plus. Il me semble que je me rappelais du monstre auquel... C'est les chmous. C'est des petits fantômes dans la bibliothèque, pis, entre autres, puis c'est des chmous. Ça s'appelle un chmou. Puis cette épée-là, moi, je l'ai droppé, ça a vraiment pas été long, en fait. Quand je l'ai droppé, je la formais même pas. Je passais par là, ça a dû prendre deux, trois coups. Maintenant, je jouais l'épée, je fais rien, Chrysagrim. Ah, ouais, c'est ça. Je l'essayais un peu, je fais ah, ok, c'est ça, ben là. Je vais apprendre, j'apprendrai pas, question que j'apprécie quand même le reste du jeu parce que c'est trop facile. Mais voilà. Plus tard, j'ai retrouvé une autre épée, je pense que l'épée, c'est pas l'épée runique. L'espèce de, quand tu donnes un coup, là, ça fait comme une espèce de grosse épée là, en avant de toi. Là, qui flotte. Ouais. J'avais utilisé ça, moi c'était vraiment puissant, mais c'était pas autant puissant que Chrysagrim. Non, Chrysagrim c'est vraiment l'épée la plus boostée. Puis si t'es capable d'avoir des bons équipements avec des rings puis des necklaces qui vont te donner plus de force puis tout ça, t'es juste intuant. T'avances puis tu fais juste spammer ça. Oui, littéralement. T'as même plus besoin d'arrêter. Hein, c'est la seule chose qui va t'arrêter à la limite, ça va être les mobs ou les ben pas les mobs là, mais l'environnement, tu sais. Ouais. T'es vraiment carrément une machine à déchiqueter là, tu détruis absolument tout. Fait que rendu à la fin pour farmer les mobs, c'était le fun pour ça, mais si tu veux faire le jeu de manière plus peut-être pas plus legit, mais de manière plus long, je le faisais ça. Il y a un boss que le nom m'échappe, je sais pas, ça commence par G. C'est un espèce de grosse bobite en or qui est hyper haute avec un sceptre. Ce boss-là, il est vraiment long, puis il a vraiment beaucoup d'HP. Puis la seule façon que je le bats, moi, c'est avec le Alucard Shield, puis la Rod Shield, je pense. En tout cas, il y a un shield en particulier que quand tu fais une combinaison, tu payes sur carré puis cercle en même temps. Ton bouclier, il fait du damage, puis il te heal en même temps. Fait moi, je fais ça. Je me stack en bas de lui, puis je fais juste comme popper mon shield. Fait que ça le fait du damage, puis ça me heal en même temps. Genre, c'est fucking OP. Là. C'est vraiment overpowered. Tu fais juste ça, puis il meurt quand même assez vite, mais je veux dire, le boss, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'HP. C'est selon moi, à part Dracula, le deuxième boss le plus dur du jeu, c'est lui. Est-ce que ça fait pour d'autres boss? Mais c'est juste ce boss-là. Tu peux le faire pour tous tes boss, mais c'est parce que lui, il est comme, c'est une statue. Puis c'est pas comme les boss où t'as comme beaucoup là, Mettons, t'as une grosse boule d'humain mort qui tombe ou avec des tentacules qui pitchent des lasers. Tu sais, t'as pas comme de place où ce que tu peux te mettre puis genre juste popper ton shield, attendre puis qu'il crève là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que. Mais non, c'est ça. Puis. Ça, c'est un, ce que je suis en train de regarder là, c'est le combat de la succube qui est un des rêves. Ça, j'ai vraiment trouvé ça creepy à l'époque, puis c'était hot qu'il l'ait fait. Alucard s'en va dans une espèce de. Comme un save room, mais c'est pas vraiment un save room. Okay. Il s'en va dans un sarcophage. Ouais, un cercueil, pas un sarcophage, un cercueil. Puis tu viens comme avoir un rêve, puis c'est comme ta mère. C'est un peu les événements qui est arrivé, c'est que dans le fond, ta mère, elle se fait tuer sur la voie publique parce qu'elle a des relations avec Dracula, puis elle se fait tuer. Puis dans ce rêve-là, en fait, la dame, c'est pas vraiment ta mère, mais c'est une succube. Puis là-bas, c'est vraiment facile, là, la preuve. Le gars lui-même l'a battu en trois ans, on entend le dire. Puis ça donne un ring, puis je pense que... Ouais, c'est ça, c'est le gold ring. Fait que... c'est ça, c'est... Je me souviens plus c'est où exactement. Là. Je sais qu'on est dans une espèce de tour assez éloigné. Okay. Fait que, c'est ça. C'est... Cool. Ouais, c'est vraiment iconique. C'est vraiment des choses qui viennent vraiment me chercher. Bref, on va aller vous faire écouter ce bloc-là finalement. On a Doorway to Heaven. Death Ballad. Strange Bloodlines. Et Final Toccata. Ouais, on n'a pas parlé de Final Toccata, mais elle est excellente. Bref, oui. Bonne écoute. We'll be right back. Donc, conclusion. Conclusion. Merci. Je voulais vous. C'est le moment où on remercie tous ceux qui nous ont été là. On le sait qu'on n'est pas un podcast qui est très régulier. On n'est pas un podcast qui revient toutes les semaines comme la plupart. Fait que, on sait que c'est dur d'avoir une fanbase. Mais si vous écoutez ça en ce moment, c'est que vous êtes un fan de Geekorama et que vous nous suivez depuis le début. Oui. Je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. On peut. Vous pouvez nous rejoindre, entre autres, sur Twitter. On a notre Facebook également. Oui, Instagram aussi. Instagram aussi, que vous pouvez aller nous voir. Donc, n'hésitez pas à nous liker, à partager l'épisode. Parlez-en avec vos amis si vous avez aimé ça. Ça nous aide vraiment beaucoup. Également, on est sur iTunes. Donc, si vous voulez nous donner quelques étoiles, ouais. Entre autres 5, ça serait vraiment apprécié pour nous autres parce que ça nous fait connaître. Puis, on est capable, ça nous motive. Puis, nous, ben, on est capable de vous faire plus de stock. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à commenter, liker. Pour nous, c'est notre paye, puis on apprécie chaque commentaire, on les lit, on est vraiment, on n'est peut-être pas tout le temps là, mais quand on est là, ben, on apprécie. C'est toujours bien plaisant d'avoir du feedback. Toujours. Donc, merci beaucoup. En plus, j'ai fait un espèce de petit sondage dernièrement là, de quel épisode ça y intéressé là, à entendre, puis tout ça. Puis on a eu une bonne réception quand même, fait que tu sais, j'ai trouvé ça trippant. Alors, un gros merci. Entre autres, on a eu Benoît Landry qui nous a parlé des jeux de Top Gear. Je suis très d'accord avec ça. Très bon choix. Éric Hébert nous propose Heart of Darkness, que je suis plus que d'accord avec. Moi, j'ai jamais joué, par exemple. C'est malade. Okay? C'est très difficile. C'est fait par Eric Chahi qui a fait, entre autres, Lost in Another World. Another World, ouais. Puis c'est sa compagnie, puis il a fait un seul jeu avec sa compagnie qui après ça a fermé, puis c'est Heart of Darkness. Okay. Ça vaut le détour. Honnêtement, ça vaut le détour. Alors je suis vraiment très très très content. C'est-tu un style de jeu comme Black Thorn, admettons un peu? C'est en 2D, okay. c'est vraiment bien fait. Je te montrerai des vidéos tantôt. Okay. C'est un... Je sais pas si tu as déjà vu Another World, dans le fond, comment que c'est fait un peu. C'est que c'est un personnage qui doit sauter à certains endroits, puis qui doit faire des trucs. Puis tu as un timing de chirurgien à certaines places. Là. Si tu sautes pas là, tu meurs. Si tu gonnes pas ça, tu meurs. Mais l'histoire, puis les environnements sont top-notch. C'est okay. vraiment de toute beauté. Puis il avait enregistré un orchestre symphonique pour la musique. Fait que c'est vraiment une musique qui est très bonne. Ce sera pas un gros épisode parce que, je veux dire, c'est pas comme, mettons, un Castlevania ou comme on vient de faire un Symphony of the Night où il y a 6 blocs, là. Mais de ce que je me souviens, il n'y avait pas beaucoup. Mais ça vaut okay. le détour. Définitivement, ça vaut le détour. Pour ça, il y a Samuel Laroche qui proposait aussi un spécial Hudson Soft. Ouais. Ouais, non. Ça, c'est de la bonne musique là-dedans. Ça, c'est définitivement dans notre mire. Oui, entre autres, on a Adventure Island, on a, mon Dieu, des Hudson Soft a vraiment fait de la musique qui est incroyable, fait que je penserais pas qu'on passe à côté de ça. Et on a Simon Dubois qui nous a dit Nier. Ça, c'est pas la première fois qu'on se le fait proposer aussi. Nier, on s'en est fait beaucoup proposer. Ça, puis un... Colin, Okami. Oui, Okami. Mais Okami, j'ai regardé, puis il y a du stock, là, ça a aucun sens. Ça, il oui. y a du stock. Je pense que ça va être genre... Lui, il faudra que je fasse un tri, mais je sais pas trop, mais il va être dur à monter. Peut-être un deux épisodes, on verra. Ouais, bien, il va être tough à monter. Nier, j'ai pas checké encore tant que ça, par exemple. Ça, c'est comme quand on bon s'était stock. Dit qu'on allait faire un épisode sur Super Meat Boy. Il y a du stock en sacrement. Ouais, mais le choix, il est pas difficile, les tunes. Ouais, moi, je connais pas mal la soundtrack, puis je sais qu'il y a des versions NES aussi. Fait que probablement qu'on en referait... Ou j'en ferais tout seul, juste un épisode Nest, là, parce ouais, que c'est vraiment c'est les mêmes tunes. On pourrait faire un genre de standalone. C'est bon, j'aime l'idée. J'aime l'idée, c'est très bon. Alors, voilà, c'est ce qui conclut l'épisode. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se revoit pour le prochain épisode. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir. switch. Why don't I press it and see?